Portrait d'assaut sur Fadjet. Les pieds dans le plat, c'est un événement qui va se dérouler le samedi 8 mars. Ce sera à l'Octroi, à Nancy, au boulevard d'Austrasie. Les pieds dans le plat, c'est aussi le nom de l'association qui organise ce rendez-vous. Et pour nous en parler, nous recevons en studio Jessica et Gabriel. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes au sein de l'association en charge de la communication. C'est ça, tout à fait. Alors cet événement, on va revenir bien sûr sur le contenu, ce que c'est. Mais déjà, les pieds dans le plat, c'est quoi comme association et depuis quand ça existe? Dites-nous tout. On a créé les pieds dans le plat à l'issue de notre année précédente scolaire. Autour du mois de mai, on voulait faire un projet qui se rapprochait de nos valeurs et de ce qu'on apprenait à l'école, puisqu'on est dans une école d'ingénieurs en industrie alimentaire et en agriculture, agronomie. C'est un projet qui regroupe des étudiants de troisième année de notre école. Donc on est 25 dans cette équipe. Voilà, vous étiez en troisième année. Là, on est en dernière année d'école d'ingénieur, du coup. Donc vous êtes 25, vous êtes réunis l'année dernière, c'était au mois de mai. Et à partir de quelle idée? C'était l'idée de vouloir faire un projet qui pouvait être à destination du grand public, parce qu'on se dit qu'en fait, actuellement, la façon de consommer et de s'alimenter, il y a plein de choses qui sont méconnues du grand public. Et donc avec ce que nous, on avait appris à l'école, on avait pour but de le partager à petits et grands, et aussi de valoriser le savoir-faire local, donc dans notre région du Grand Est. Du coup, c'est parti un peu de cette idée-là, et de fil en aiguille, on a monté le projet, on a monté une équipe. Donc au tout début du projet, on était juste un petit groupe d'étudiants, et après, on en a parlé aux autres étudiants de notre école, et c'est là que Gabriel nous a rejoints. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans cette idée d'association, toi? Moi, j'avoue que c'est des associations qui changent un peu de ce qu'on fait habituellement. Puis ça touche vraiment à l'alimentation, à l'agriculture, donc c'est un peu nos domaines d'études. Et puis, par ma spécialité aussi, j'ai vu que c'était assez compliqué pour les consommateurs de choisir, quand ils sont devant un rayon, de faire leur choix, de comment ils vont s'alimenter et tout ça. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être une occasion de simplifier un peu les choses et puis d'aider les gens à faire leurs propres choix. Donc là, vous êtes étudiante, ça vous prépare à quel genre de métier, justement, vos études aujourd'hui? Ouf, c'est vaste. Ouais. Déjà, on a deux filières. On a agronomie et industrie alimentaire, qui sont déjà quand même assez différentes, qui se rapportent au même domaine. Et après, c'est assez varié. Quand on voit les profils des anciens de notre école, il y a de tout. Y en a qui ont leur propre ferme, il y en a qui sont dans des gros noms de l'industrie alimentaire, il y en a qui ont monté leur entreprise. Oui, on en a beaucoup en chambre d'agriculture, dans le conseil agricole, ce genre de choses. Donc les pieds dans le plat, une association qui est née il y a un peu moins d'un an. Oui. Et une fois qu'on se dit qu'on va se réunir pour créer une association, alors déjà le nom, les pieds dans le plat, expliquez-nous un peu d'où ça vient. Alors le nom, ça a été à l'issue d'un brainstorming, on va dire, où il y en a plusieurs qui ont proposé des noms. Et après, on a fait des votes. Vu que c'était un événement tout nouveau, on voulait un nom un peu accrocheur. Et au final, mettre les pieds dans le plat, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on met les pieds dans le plat pour vouloir transmettre nos valeurs et donner de l'information au grand public. Et comme ça, on peut demander aux gens de venir mettre les pieds dans le plat avec nous. Et dès le départ, vous avez eu l'envie de créer un événement qui rassemble beaucoup de monde? Ouais, c'est ça, c'était le fait d'accès grand public. On espère qu'on aura des familles, des gens de tout âge, tout profil. Ouais. Puis le but, c'était aussi de ramener dans un même endroit les consommateurs, les producteurs, les acteurs de l'industrie alimentaire, ce genre de choses, pour que tout le monde soit au même endroit et que le dialogue soit plus simple aussi, je pense. Voilà, créer des rencontres. C'est ça. Hein, des opportunités. Et rapprocher, comme disait Gabriel, mais vraiment rapprocher le consommateur des producteurs et en fait rapprocher le consommateur de son alimentation et qu'ils comprennent mieux ce qu'ils mangent. Et c'était la première fois que vous organisiez un événement de ce type en association? Vous aviez déjà des expériences avant ou vraiment vous êtes parti d'une page blanche? Bon, j'ai peu d'expérience en association. J'ai été bénévole dans des assos pour mon village, ce genre de choses. Mais j'avoue qu'avoir un aussi grand rôle dans une asso, c'était la première fois pour moi. Et après, ça va dépendre des membres de l'association. Parce qu'au sein de notre école, on fait beaucoup d'événements différents. Donc il y en a qui avaient déjà fait partie de bureau pour des gros événements. D'autres, comme le disait Gabriel, pas du tout. Mais on apprend beaucoup de choses dans l'organisation d'événements. Et même si on en avait déjà fait avant, on a toujours des choses à apprendre. Eh bien, parlons-en de cet événement, parce que ça approche. C'est le samedi 8 mars. Ce sera de 10h à 23h oui. À l'Octroi. Qu'est-ce que vous avez imaginé? On l'a compris, il va y avoir des rencontres, mais tout ça, expliquez-nous un peu sur place, qu'est-ce qui va se passer? Sur place, donc, on va avoir plusieurs stands. On va avoir des stands avec donc, des exposants, des producteurs locaux de différents types de nourriture, on va dire, des acteurs du monde de l'alimentation. On va aussi avoir des stands animation pour aussi les enfants, pour qu'ils puissent eux aussi jouer et comprendre pourquoi on mange ces fruits et légumes à cette saison-là, pourquoi pas à une autre. On aura aussi des jeux de société pour faire apprendre de manière ludique, notamment sur ce qu'on appelle les signes de qualité. où là, c'est Gabrielle l'experte. Alors, c'est quoi les signes de qualité? Les signes de qualité, c'est tous les logos qu'on peut retrouver sur les produits alimentaires en général. Et il y en a énormément, il y en a de plus en plus. Et du coup, c'est important pour nous, je pense, de transmettre des infos sur ça. Il y en a tellement qu'on s'y perd aussi. Ouais, c'est ça. Par exemple, il y a Label Rouge, le logo Agriculture Biologique. Voilà, c'est des logos qui parlent souvent, mais... Des fois, on connaît le logo, mais on ne sait pas ce qui s'y cache derrière. Exactement. Donc, des ateliers pour petits, pour les grands, pour les professionnels aussi, des temps de rencontre aussi. C'est oui, ça, c'est des ça. Ateliers. C'est vraiment, tout le monde est le bienvenu. Ce sera des temps d'échange, de partage, de découverte. Et on aura aussi donc, un food truck qui sera sur place pour pouvoir consommer sur place. Un petit bar pour se désaltérer. Et en soirée, on a prévu une soirée avec, donc c'est notre com animation qui s'en est occupée, une soirée concert. Et vu que c'est la journée des droits de la femme, on en a profité pour aussi intégrer ça dans notre événement. Et donc ce sera des concerts avec des artistes 100% féminines. Donc c'est le samedi 8 mars, alors c'est un sacré événement quand même. Vous êtes 25 au sein de l'association, vous êtes bien partagé le travail, vous êtes plus dans la com, c'est ça aujourd'hui? Oui, alors nous on est vraiment deux de la com. Ouais. 100% communication. Voilà. Mais sinon au sein de l'association, donc on a un bureau où on est quatre. Et après, on a différents, ce qu'on appelle pôles. Donc, on a la sécurité, la logistique, donc pour vraiment gérer le bien-être de l'événement. Puis on a la communication, parce que sans communication, on n'a pas d'événement. Mais chaque pôle, en fait, est indispensable à l'événement. On a le pôle animation qui va s'occuper bah, justement du déroulé, des activités, des concerts. On a le pôle boisson et restauration pour le food truck, le bar. Exposant, parce que si on n'a pas d'exposant, on n'a pas d'événement non plus. Et on a aussi donc, le pôle sponsor, qui essaye de chercher des financements, parce qu'un événement, ça coûte de l'argent. Donc une sacrée organisation, ça doit être extrêmement formateur aussi. Oui, oui, oui. Bah vraiment, on apprend beaucoup de choses. Bah, par exemple, avec Gabrielle, c'est notre première fois à la radio. Oui, tout à fait, oui. Puis même dans la gestion d'un projet, ça se fait quand même sur un long terme, et on n'a pas forcément l'habitude de ça. En cours, on est plutôt sur du court terme, sur un mois, on va faire un projet. Puis là, c'est vraiment un truc qui se développe avec autant de personnes, c'est très riche. On a hâte de voir le jour J, parce qu'en fait, c'est un événement qui se prépare, on va dire, un peu dans l'ombre. Et donc, tant qu'on n'est pas le jour J, bah, on ne peut pas voir le fruit de notre travail. Donc, vous avez dit, vous allez aussi à la rencontre de professionnels, vous avez déjà des contacts, la liste est déjà complète, ou est-ce qu'au contraire, il faut convaincre aussi ces gens de venir à cet événement, parce que c'est une première aussi? Alors, ouais, c'est effectivement, on a des contacts. La liste n'est pas complète, donc s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous, ils sont les bienvenus. Et bah, comme vous dites, en fait, le fait que ce soit la première fois qu'on organise l'événement, c'est un peu là tout le challenge, bah, même au niveau de la communication. On essaye de présenter notre événement, de convaincre les gens d'y participer et de venir. Et c'est un des plus gros challenges, effectivement. Pour cette journée, vous attendez tout type de public, famille, enfants, professionnels. Tout à fait. L'entrée, elle sera de quel ordre? L'entrée pour les adultes, elle sera à 3 euros. Pour les étudiants et les moins de 18 ans, ce sera 2 euros. Et pour les moins de 12 ans, c'est gratuit. Gratuit jusqu'à 12 ans, de 12 à 18 ou étudiants, 2 euros. Et pour les adultes, ce sera 3 euros. J'aimerais maintenant qu'on parle, parce que votre association, elle a moins d'un an. Vous avez ce projet que vous avez lancé, mais il y a aussi une reconnaissance. Et ça permet d'appuyer aussi l'importance et l'intérêt que votre association a, et cet événement particulièrement. Vous avez reçu un prix dernièrement, tout proche. Oui. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? C'était au mois de décembre. On a participé à un appel à projet qui s'appelait « Cultiver l'équité, j'agis pour une alimentation responsable et équitable ». Donc c'est un projet qui était porté par Max Avlar et « Faire un monde équitable ». Donc on a deux personnes de notre association qui y sont allées, Paul notre trésorier et Emeline notre vice-présidente. On avait envoyé un dossier au préalable, on a été sélectionnés et retenus, ils se sont rendus à Paris. À Paris, il y avait 9 autres projets dans cette même dynamique. Et on a eu la merveilleuse nouvelle le 14 décembre d'apprendre qu'on avait remporté le grand prix et le prix du coup de cœur du jury. C'est pas seulement un prix, c'est deux prix. C'est deux prix. Depuis, on est suivi par Génération Équitable qui va également nous fournir des jeux pour le jour J, justement des jeux de société parce qu'eux, ils ont l'habitude de travailler dans ces domaines-là. Et c'est non seulement un soutien, une reconnaissance, et on se dit qu'on est dans la bonne direction. Et ça doit booster l'équipe. Oui. Ça... Ça motive, hein, ça fait plaisir à toute l'équipe. Oui, je pense que le fait que l'événement soit seulement en mars et qu'on travaille depuis presque un an, et qu'on ne voit pas forcément le fruit du travail qu'on fait chaque jour, et là, ça permet un peu de se redonner un petit coup de boost et puis de continuer à travailler pour le 8 mars. Quoi. On est à quelques jours, semaines de cet événement et j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais qu'est-ce qui fera que ce sera vraiment une journée super bien réussie? Du monde. Oui, je pense que, mais même s'il n'y a, y a pas tant de monde que ça, mais si même il y a une dizaine de personnes qui sont convaincues qu'ils peuvent changer quelque chose après cette journée-là, c'est qu'on aura réussi quelque part le pari. Quoi. Mmh. Si vous arrivez déjà à planter une petite graine de c'est changer ça. Un peu d'état oui, d'esprit. Bah, on sait qu'on ne va pas révolutionner le monde et que chaque personne qui va mettre un pied dans... Un pied dans le plat. qui va se rendre à l'octroi ne va pas ressortir de l'octroi en se disant « Ok, je change toute ma vie et je change toute ma consommation ». Mais comme disait Gabriel, planter des petites graines, essayer un peu au moins de pousser les gens à réfléchir et à faire un petit peu plus attention à leur consommation, bah, ce serait déjà une belle réussite. Alors, je vais vous laisser le mot de la fin, nous redire c'est quand, c'est où, comment on peut retrouver aussi les informations sur Internet, parce que j'imagine qu'on va retrouver ça sur les réseaux sociaux. Dites-nous tout. On vous attend le samedi 8 mars à l'espace de l'Octroi pour venir mettre les pieds dans le plat avec nous. Et on a toutes nos informations que vous pouvez retrouver sur notre site internet et puis sur notre compte Instagram Les Pieds dans le Plat 54. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, on a des informations qui arrivent au fil de l'eau. Et puis on sera très heureux de vous accueillir le 8 mars à l'Octroi. Un très grand merci à Jessica et Gabriel et un bonjour à toute l'équipe aussi de l'association Les Pieds dans le Plat. Et merci beaucoup à vous de nous avoir reçus. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.